même pas de vie, j'ai pas de goût, j'ai même pas de bain. Et voir maman avec le sourire, je suis l'enfant le plus joyeux. Des fois je sais pas quoi vous dire, des fois j'écris les larmes aux yeux. Parce que je repense trop à mes peurs, loin dans les cieux. Sans vous c'est nul comme ce rentable, sans féculent c'est nul à deux. Des jaloux ceux qui jouent des rôles, nous on n'est pas comme eux. Ramène la corde à l'interpole, nous on rate que de Dieu. Non c'est pas bon d'être gentil, pour les frères d'argent on cueille. La bonne c'est la garantie, qu'on vint pas le ton paquet de feuilles. On a le cerveau disjoncté, que des mélanges corsés. Y'a le déter sur le couche, qui crie même la voix cassée. Cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé,